ALKPOTE, l'unité de feu, néochrome, la ténébreuse épopée, la crème du 9-1, bande de putain. Si. J'ai la bougeotte comme Van Damme dans Bloodsport. Ses coupes-gorges, des sous-sols, des vrilles à Boulogne jusqu'à la goutte d'or. Ça fourre des chiennes toutes moches. On veut toucher le ciel sous drogue et faire plus de sous qu'Étienne Moujotte. Faut que je trouve des pièces pour que je dorme. Même si je bouffe des miettes, je vous offre le fin du fin que des 20 sur 20. Putain de putain! Du pain, du vin, des joints, et tu sais même plus combien font 1 plus 1. On est prêt, on est chaud, faut qu'on perce, qu'on qu'écro. Les petits frères, on les gros, fume en perce ton bédo. Mais paye ta bouteille, crois pas que le monde est beau. Un jour ou l'autre, tous paye. Un coup de couteau pour le zeille, ça peut aller plus loin. Planque les bails au cas où, la brigade des stups pointe. Alors, j'écris aussi bien que Francis Cabrel. Devant moi, tu finis en string, ma belle. C'est la banlieue sud, bande de pute. Ça sent le luxe et la blanche rebut. Okay. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. Okay. C'est la banlieue sud, bande de pute. Ça sent le luxe et la blanche rebut. Okay. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. Si c'est de la bombe de balle gros, des sons de barjo. Pour ceux qui ont le crâne chauve, 91 braco. Tu ressens la crasserie tout au long de ma prose. La saloperie, la sale de ce monde crado, de nombreux charclos n'ont pas de quoi se payer un bon repas chaud. Dans l'alcool tombe accro. Ne vends pas ton âme au diable contre de la dope. Propose en paix mon oncle Eddy et l'oncle Jeannot. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme des grands de ce monde. Tu peux pas stopper les atrocités quand t'es drogué et alcoolisé. Dès la majorité, t'as de la saleté dans les mains. Passager clandestin qui va canner sans médecin. Voilà. Ça a cramé dans le 7-5, le 9-1. C'est baladé devant certains et massacré tant de crétins. C'est la banlieue sud, bande de pute. Ça sent le luxe et la blanche rebut. Okay. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. Okay. C'est la banlieue sud, bande de pute. Ça sent le luxe et la blanche rebut. Okay. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. C'est la banlieue sud, bande de pute. Ça sent le luxe et la blanche rebut. On s'est spécialisé dans la vente de stup. Y'a que des experts et des professionnels dans le stup. Écris des 4, 8, 16 ou 32 mesures. Si t'es vif, ma ténébreuse agence recrute. Ici bas, mec, ça s'entretue. Y'a que des gangs de rue qui se vengent et plantent le juge. Les diables et les anges me scrutent. Mais je ferai ce que j'ai à faire avant que je brûle. Je t'offre un angle de vue. Salope. Sur la souffrance, t'inquiète pas, la jouissance reprend le dessus. Voilà. Rase tes jambes velues, que tu sois sous aide ou verdure. Tu feras pas la couverture d'entrevue. Faut que la France me suce. Si t'es harcelé par des putains, fiston, change de bus. C'est la banlieue sud, bande de pute. Ça sent le luxe et la blanche rebut. Okay. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. Okay. C'est la banlieue sud, bande de pute. Ça sent le luxe et la blanche rebut. Okay. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. Ténébreuse musique, ALKPOTE, l'unité de feu. Ok. Ok. Ok. C'est la banlieue sud, bande de pute. Ça sent le luxe et la blanche rebut. Okay. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. Okay. C'est la banlieue sud, bande de pute. Ça sent le luxe et la blanche rebut. Okay. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. Okay. Comme les grands de ce monde. Comme les grands de ce monde. Comme les grands de ce monde. Comme les grands de ce monde. Comme les grands.